Quand la nuit est la plus froide, la lumière prend la forme du givre. Quand la forêt chuchote, la vie reprend. Quand la bête se réveille, le sang murmure la faim.